Chez Dolbeauto, venez voir la toute nouvelle Chevrolet Cruze 2016, complètement redessinée. Avec une efficacité énergétique de 5,6 litres au 100 km, à partir de seulement 17 845 $. La Chevrolet Cruze 2016 vous apportera des satisfactions au quotidien. Toute notre équipe est fière de féliciter Shane Gauthier, qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg. Dolbeauto, au 1770 Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. En fin de semaine, je me suis rendu au tournoi à bout de souffle de Saint-Félicien où il y avait plusieurs joueurs professionnels qui étaient présents et j'ai pris le temps pour m'entretenir avec l'ancien joueur des Saguenay-Lac-Saint-Jean, Laurent Dauphin, qui a joué quelques matchs avec les Coyotes de Phoenix. On écoute cette entrevue. La grande visite à Saint-Félicien, c'est l'ancien joueur des Saguenay-Lac-Saint-Jean, Laurent Dauphin. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, si on parlait, qu'est-ce qui motive un joueur de hockey à venir à Saint-Félicien dans un tournoi à bout de souffle? Ben, je pense avec mes amis, pour avoir du fun, puis essayer de tourner sans glace un peu en situation de compétition, de s'en mettre dedans. Là. OK. Est-ce que j'imagine que c'est un bon entraînement pour commencer, j'imagine? Oui, c'est parfait. Hier, on voyait que j'étais interrouillé, puis c'était dur, ça va cardio, puis tout, c'est bon. Puis, OK. Ta deuxième année dans la Ligue américaine, tu as joué quelques matchs dans la Ligue nationale. Comment tu vois ta deuxième année? Je pense que le but, c'est d'en jouer encore un peu plus chaque année, puis essayer de me tabler tranquillement pour vite. OK. Est-ce que les Coyotes t'ont proposé quelque chose? C'était quand même un choix à repêchage très élevé. Est-ce qu'on t'a donné une chance que tu vas peut-être faire l'équipe cette année? Oui, on en a parlé. On m'a dit que j'avais une chance cette année pour de vrai. Puis là, j'arrive prête. Puis s'il y avait un bon entraînement, ça pourrait arriver. Là. OK. Est-ce que c'est vrai que le hockey Phoenix, c'est si difficile que ça? De ce que tu as vu, là? Non, c'est pas si pire que ça. Je pense que c'est bien reparti, les nouveaux jeunes qui vont arriver, les nouvelles directions, tout c'est dans la bonne direction. Okay. Est-ce que Austin Matthews va aider certainement pour pouvoir le hockey vu qu'il vient de l'Arizona? Oui, c'est sûr, quand il va jouer d'après moi, l'aréna va être pleine. OK. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de la région des Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ah, c'est beaucoup de souvenirs. Je suis passé par Chicoutimi jeudi, puis je suis allé voir ma famille de pension, puis plein de souvenirs dans cette ville-là, une super belle ville. Ben, merci beaucoup, Laurent, et bonne chance pour la prochaine saison. Parfait, merci. Laurent Dauphin, des Saguenay. Christophe.